Comment se remettre en selle après une rupture? Mais mûrement réfléchi, une séparation est toujours un moment compliqué, et cela, quelles que soient les raisons qui ont mené à cette décision. D'après les statistiques, les ruptures sont très majoritairement à l'initiative des femmes, mais ce n'est pas plus simple pour elles pour autant. En effet, ce n'est pas facile de tourner cette page, car malgré cette malheureuse issue, il y a eu des bons moments dans le couple. Sans oublier que mettre fin à cette liaison entraîne beaucoup de changements dans la vie, et représente notamment la fin d'une période. La relation avec la bande de potes que tu fréquentais avec ton ex va forcément changer, et il est préférable pour diverses raisons de ne plus fréquenter les lieux en lien avec cette histoire, ce qui engendre une tristesse supplémentaire. Il faut du coup, du jour au lendemain, changer toutes ses habitudes, en plus du passage obligé d'une période de deuil à durée variable selon les personnes. Certaines seront prêtes à se relancer dans une nouvelle aventure au bout de quelques semaines, alors que d'autres auront besoin de passer de longs mois avant de refaire confiance et d'avoir à nouveau envie de faire l'amour avec quelqu'un. D'autant plus qu'après avoir été habitué au même corps pendant des années, il est quelquefois difficile de se jeter à l'eau. Ce que je veux te faire entendre, c'est qu'il n'y a pas de normes en la matière et que tu ne dois surtout pas prendre en compte les reproches de ton entourage qui risque de trouver que tu vas trop vite ou au contraire que tu tardes trop si tu ne ressens pas le besoin de te recaser dans l'année. En réalité, ta situation fait peur. Pour beaucoup, la norme est d'être en couple. Ta rupture les pousse à un propre questionnement sur la légitimité de leur histoire qui n'est pas toujours rose. Tu as certainement un gros avantage sur tes copines en ayant osé mettre fin à une histoire d'amour où tu n'étais pas épanoui. Alors ne tombe pas dans le piège de replonger à nouveau dans une relation insatisfaisante pour ne pas être la seule célibataire de ton groupe d'amis. L'idée pour toi étant de trouver la bonne personne et de ne plus refaire les mêmes erreurs que par le passé. Car oui, il est totalement possible de trouver mieux à condition de sortir de ton schéma habituel et ne de pas te laisser influencer par tes copines qui cherchent à te caser. Tout comme il ne faudrait pas laisser filer l'homme idéal sous prétexte que ça fait moins d'un mois que tu as quitté ton ex. Surtout que la séparation physique intervient bien après la mort du couple, donc inutile de culpabiliser. De plus, c'est ton bonheur qui compte, et certainement pas la morale à deux balles de tes détracteurs. Alors remets-toi en question, respecte ton rythme, suis ton instinct et laisse jaser les pipelettes. Il est d'ailleurs probable que tu trouveras l'amour là où tu l'attends le moins. En revanche, je t'interdis dans cette attente de te priver de plaisir. Il est certain que ton esprit a besoin de prendre du recul, mais ton corps a besoin de sexe, et cela avec ou sans partenaire. C'était Evan Matisse, et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.